me tend les bras. Me rappelle à toi dans la vie, dans la mort, au-delà des ports, je m'enfuis plein de remords. So.